J'ai rêvé une nuit, blafard, sans lumière mais pourtant alerté, seul et pourtant j'ai rêvé de toi, ta peau insoumise, et pourtant si proche. J'ai rêvé de fusion ultime, comme si des gosses avec un drap fantôme blanc, notre peau seule et définitive, unique, qui nous recouvrait pour deux. J'ai pensé prendre le bus, aller aux affaires, et tout cela deux en un, alors que les autres, séparés, nous serraient la main. J'ai rêvé que quelqu'un me touchait la peau, et en vrai, je me suis aperçu que c'était nous.